Iman. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici le sommaire. Le président burundais Evariste Ndayishimiye est à Luanda en Angola depuis ce mercredi. C'est pour un mini-sommet sur la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Les présidents Tshisekedi de la RDC et Kagame du Rwanda sont là-bas. La suppression de la redevance exigée aux radios par l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications, ARCT, le renflouement du fonds d'aide aux médias à hauteur d'un pour cent du budget de l'État. Voilà quelques-unes des attentes des professionnels des médias des États généraux de la communication et des médias au Burundi qui débutent ce jeudi à Gitega. Et l'Ordre des professionnels comptables au Burundi veut adopter les normes comptables régionales et internationales pour plus de professionnalisme. Son 7e congrès annuel a été ouvert ce mercredi. Voilà pour la sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le président burundais Evariste Ndayishimiye participe au mini-sommet convoqué par João Lourenço, médiateur de l'Union africaine et président en exercice de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Depuis ce mercredi, à Luanda, en Angola, le chef de l'État considère cette rencontre comme une réunion de consultation sur les processus de paix initiés au niveau régional pour restaurer durablement la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Jean-Marie Mayonga revient ici sur les entretiens que le numéro 1 burundais a déjà eu avec ses différents homologues sur ce sujet. Dans différentes conférences organisées par différents États, une question en rapport avec la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo a été discutée plusieurs fois. Dans une réunion tenue à Luanda, en République angolaise, ce mercredi, il s'agit d'un mini-sommet convoqué par João Lourenço, médiateur de l'Union africaine et président en exercice de la Conférence internationale sur les régions des Grands Lacs, CIRGL. Le président burundais Evariste Ndayishimiye a pris part dans cette réunion. Pour lui, il considère que cette rencontre est comme une réunion de consultation sur les processus de paix initiés au niveau régional pour restaurer durablement la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Au cours de ce mini-sommet, le président angolais présentera une feuille de route amendée appelée à accélérer le retrait du M23 à l'amélioration des rapports entre Kinshasa et Kigali. Le président rwandais Paul Kagame est président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, sont attendus ce mercredi à Luanda. Au cœur des échanges, un plan d'action pour la paix mis en mal par l'activisme du M23 et le rétablissement de bonnes relations entre Kinshasa et Kigali sont à l'ordre du jour. Le Burundi est très impliqué dans les manœuvres militaires dans l'est de la RDC pour appuyer dans le renforcement de la sécurité et la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Dans cette rencontre au Luanda, le président rwandais Paul Kagame et Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo sont attendus ce mercredi à Angola. Le président burundais a participé dans la 27e conférence des partis COP27 qui s'est tenue le 8 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh, en République d'Égypte. Dans son discours, le président de la République a indiqué que les financements pour la mise en œuvre de la contribution déterminée nationale au Burundi sont largement insuffisants pour financer les changements souhaités. En date du 21 novembre 2022, le chef de l'État burundais a effectué une visite en Tunisie où il avait participé au 18e sommet de la francophonie. Le président Ndayishimiye a rencontré son homologue français Emmanuel Macron et ont échangé sur le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo. Les États généraux de la communication et des médias Burundi se tiendront à Gitega à partir de ce jeudi. Le directeur de la radio-télévision Isanganiro révèle certaines préoccupations qui pourraient faire objet de débats, entre autres la nécessité de renflouer le fonds d'appui aux médias à hauteur d'1% du budget national et la suppression des redevances de l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications, ARCT. Sylvain Nakarutimana estime que cela pourrait améliorer la qualité du journalisme au Burundi. On l'écoute au micro de Vestine Butoui. Je trouve que c'est nécessaire que les gens qui seront à Gitega puissent discuter à fond sur la nécessité de renflouer le fonds d'appui aux médias. Par le passé, nous savons que c'est un fonds qui a été alimenté à un certain niveau, mais à un niveau tout à fait insuffisant. Si le gouvernement devrait se faire violence et que dans les prévisions budgétaires annuelles, on devrait arriver à 1% du budget national, ce serait intéressant. Il y a une deuxième chose liée à l'amélioration des relations entre les autorités publiques et les médias. De notre expérience, nous avons de temps en temps eu des problèmes avec l'administration locale de la base au sommet. Et nous pensons que l'amélioration des relations entre les autorités publiques et les médias pourront faciliter le travail des journalistes. Et troisième chose, c'est que je propose qu'il y ait discussion autour de la suppression des redevances qu'on donne à l'agence de régulation, l'ARCT. L'ARCT, c'est un organe de l'État. Il est vrai que ces redevances peut-être facilitent le travail de l'ARCT. Mais compte tenu de l'importance des médias, je pense que ces redevances devraient être diminuées jusqu'à un strict minimum pour essayer de faciliter le travail des médias, à défaut de les supprimer. Quatrième chose, c'est l'accès permanent à l'électricité. Et nous, au niveau d'Isanganiro, nous avons tellement de problèmes parce que nous devons absolument chaque fois alimenter notre groupe électrique pour avoir de l'électricité pour fonctionner. Cela arrive très souvent de telle manière que le montant alloué à l'achat du carburant est devenu un montant très important qui entrave le fonctionnement normal de la radio-télévision Isanganiro. Sylvain Nakarutimana, c'est le directeur de la radio-télévision Isanganiro. Adopter des normes comptables internationales et régionales pour travailler de façon plus professionnelle, l'un des objectifs que s'est fixé l'Ordre des professionnels comptables du Burundi lors du 7e congrès annuel de cet ordre ce mercredi. Frédéric Gahongo, son président, a déclaré que c'est une occasion qui est offerte aux professionnels comptables d'être renforcés en capacité opérationnelle. Prosper Bazumbanza, vice-président de la République, qui a ouvert solennellement son congrès, appelle les comptables à travailler de façon transparente pour impulser le développement effectif du pays. C'est un reportage d'Armer Motori. Ce 7e congrès annuel de l'Ordre des professionnels comptables du Burundi a été ouvert solennellement par le vice-président de la République du Burundi. Se basant sur le thème central choisi pour cette année, Prosper Bazumbanza a appelé les participants à mettre la transparence du système financier au service de la croissance économique du pays. Nous avons invité ces professionnels à chaque fois s'imprégner de l'objectif qu'ils doivent travailler dans la transparence, dans la vérité, sans qu'il n'y ait pas d'éléments qui soient plus ou moins manipulés afin que l'information qui sort de leurs chiffres reflète exactement la réalité. Parce qu'il a été souvent constaté que des auditeurs internes ou externes qui viennent dans les entreprises, ou que ce qu'elles soient privées ou parapubliques, qu'ils trouvent des chiffres qui n'ont pas de cohérence avec les chiffres produits en interne, alors que tout ce monde, des professionnels, des comptables, ont fait les mêmes universités, ont suivi les mêmes modules. Et cela semble quelque peu paradoxal, les éléments masqués ou mal présentés peuvent conduire les décideurs à prendre de mauvaises décisions et cela compromet bien évidemment le développement de leurs entreprises et le développement du pays en général. Ce congrès est une occasion de renforcement des capacités opérationnelles des comptables afin de promouvoir et favoriser l'émergence de la profession comptable au Burundi, selon Frédéric Gahungu, président de l'Ordre des professionnels comptables du Burundi. Et c'est une occasion de faire la formation de nos membres en mettant à jour les nouvelles normes. Il y a une institution internationale qui s'appelle IFAC qui régule, qui organise la profession à travers le monde. Il subsiste des critères d'adhésion. On peut prendre la plus grande critère, c'est le critère de formation et le diplôme délivré ici au Burundi qui n'est pas reconnu par l'IFAC fait qu'on doit d'abord normaliser cette situation. Le deuxième point qui probablement peut nous empêcher, ce sont les textes de 2001 qui sont un peu obsolètes, qui doivent être remis à jour via le Parlement. La mise en œuvre du budget programme lancé récemment par le gouvernement burundais serait difficilement réalisable sans l'appui des financiers du secteur public et privé, selon l'Ordre des professionnels comptables du Burundi, parce que, martèle-t-il, une meilleure planification doit être élaborée sur base des données fiables et à jour. La radio de l'avenir. Le recensement général de la population et de l'habitat et celui de l'agriculture et de l'élevage couvrant la période de 2015 à 2024 sera numérisé. Le directeur général de l'Istibou et secrétaire du Comité national d'orientation générale l'a annoncé après la cinquième réunion organisée ce mardi par ce comité. Il ajoute que le Burundi réalisera ce recensement en août et septembre 2023 avec un budget de 75 milliards de francs burundais. Ce comité recommande au bureau central de recensement d'actualiser le calendrier afin qu'il soit rendu public. Suivez Nicolas Ndayishimiye, directeur général de l'Istibou et secrétaire du Comité national du recensement. Le Comité national d'orientation du recensement a noté ce qui suit. Le recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage au Burundi, couplant le recensement général de la population et de l'habitat au recensement général de l'agriculture et de l'élevage. Le recensement général qui sera conduit, recommandé par les Nations Unies et couvrira la période de 2015 à 2024 sera numérisé contrairement aux trois derniers recensements que le Burundi a déjà organisés qui étaient analogiques. Le couplage de ce recensement a été recommandé et adopté par le gouvernement du Burundi dans le cadre de la mutualisation de ces deux opérations statistiques qui sont complémentaires. Le comité national porte à la connaissance de la population burundaise et de la communauté internationale que le Burundi réalisera le dénombrement principal de son recensement général en août et septembre 2023. Le Comité national d'orientation du recensement s'engage à soutenir le bureau central du recensement afin qu'il soit en mesure de réaliser et de conduire techniquement le recensement en mettant à sa disposition les moyens financiers nécessaires et toute l'expertise technique indispensable. Le Sénat demande à la population burundaise d'adhérer massivement sans que personne ne soit laissé de côté au recensement général afin de permettre au gouvernement et à ses partenaires de disposer des informations statistiques exhaustives pour les bonnes prises de décision en matière de conception, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation des politiques et programmes de développement du Burundi. Le Sénat recommande au bureau central du recensement de travailler avec le conseil technique principal pour l'actualisation du calendrier de toutes les étapes et phases du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture, afin qu'il soit rendu public et suivi. Dans la suite de ce journal, 20 ans de prison ferme, tel est le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rumonge contre Ernest Kawushemeye Habyarimana au terme d'un procès de flagrance l'après-midi de ce mercredi. Il s'est rendu coupable d'assassinat de sa femme à coups de poignard la nuit de mardi à mercredi. Le ministère public avait requis une peine à perpétuité contre cet homme qui a plaidé coupable. Il avait été immédiatement arrêté et conduit au cachot du commissariat communal de Rumonge dans la fraîcheur du forfait, selon le chef collinaire de Mutambara où le couple habitait. La maîtrise de la loi en matière de promotion et protection des droits de l'homme pourrait réduire la population carcérale. C'est dans cette optique que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme a organisé un atelier à l'endroit des officiers de la police judiciaire de la région Ouest ce mercredi à Chibitoke sur la lutte contre la détention illégale. Dr Sixte Vigné-Nemouraba, président de cette commission, rappelle que cette catégorie de police constitue la première échelle pénale. Les cas que nous avons vus comme les détentions des mineurs avec les adultes, les détentions des femmes enceintes d'une grossesse de plus de 6 mois ou même qui allaitent des enfants de moins de 6 mois et qui devraient nécessiter la permission spéciale du procureur général pour être emprisonnés, ne devraient pas être emprisonnés par les OPG seulement. Et ça fait partie des initiatives qui pourront avoir une incidence positive en réduisant la population carcérale, mais aussi qui va rétablir la plupart des Burundais qui ont commis des infractions qui ne nécessitent pas l'emprisonnement, être en mesure de continuer le processus tout en état libre, parce que vous savez que la liberté c'est la règle, mais la détention c'est l'exception. Il faut que quand même on puisse privilégier cette liberté et que tout Burundais puissent jouir de ces droits. Parce que le Burundi, non seulement dispose d'un arsenal juridique et qui détaille exactement les procédures de détention, mais aussi il a ratifié beaucoup de conventions internationales qui font qu'on ne puisse pas détenir une personne s'il y a possibilité que la personne continue les enquêtes étant libre. Et nous avons choisi les OPG parce que nous savons que dans la phase préjuridictionnelle, et ce sont les OPG qui font les enquêtes et qui décident s'il faut emprisonner ou pas. Et vous savez que même avant la transmission des dossiers au niveau des parquets et d'autres instances judiciaires, tout prévenu se trouve dans les mains des OPG. Donc, si les OPG sont bien sensibilisés, qui connaissent la loi et qui s'engagent à faire de leur mieux pour respecter la loi, ça veut dire que la population qui sera incarcérée sera réduite. Docteur Sixte Vigné-Nimurava, président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi. Un atelier similaire a également eu lieu en province Ngozi ce mercredi à l'endroit des OPG communaux des provinces du nord du Burundi. Parmi les constats des irrégularités dans l'arrestation et la détention des personnes, Consolata Abimana, vice-présidente de la CNIDH, donne l'exemple de la détention des femmes enceintes d'une grossesse de 6 mois et plus de femmes allaitantes de nourrissons de 6 mois sans autorisation du procureur de la République. Le vice-président de cette commission conseille ces OPJ de changer positivement en vue de faire avancer les droits de l'homme. Du sport, la formation de basketball Urunani qui a représenté le Burundi aux compétitions africaines Elite 16 qui se déroule en Afrique du Sud s'est inclinée ce mercredi après-midi face à la NBA Academy Africa basée à Dakar au Sénégal par un score de 79 points contre 69. Urunani avait gagné son premier match mardi sur un score de 72 à 43 face à la formation kényane Kenya Port Authority. Parle, rassure-moi. Il est dangereux de dispenser des enseignements à la jeunesse qui rendent antagonistes les autres. C'est du moins ce que nous dit Aloïse Batungwanayo, chercheur en justice transitionnelle et traitement du passé, en même temps commissaire à la commission Vérité et Réconciliation. D'après lui, si les jeunes apprennent dès leur enfance que celui de l'autre groupe est mauvais, il devient facile de les entraîner dans des violences croyant défendre leur groupe. Aloïse Batungwanayo conseille surtout les responsables politiques d'éduquer leurs jeunes en se basant plutôt sur des projets de société. Francine Ndéokougaïo. L'éducation de l'enfant commence dès le bas âge. Les enseignements passent par la famille ou par d'autres groupes sociaux et politiques. Le chercheur historien Aloïse Batungwanayo indique que si ces derniers sont orientés vers des divisions qui montent les uns contre les autres, chacun va chercher à défendre son groupe. Ça commence par montrer les différences, c'est-à-dire l'autre et moi, l'autre méchant et moi bon. Et je commence à enseigner mon entourage que nous sommes les bons et par conséquent nous sommes des victimes et que les autres sont mauvais. Nous sommes dans cette mauvaise situation à cause de l'autre, c'est-à-dire attention à cette autre personne dangereuse. Et là, c'est le discours d'embrigadement. Lorsque je pointe déjà du doigt l'autre qui est mauvais, l'autre qui me veut du mal, il faut que je commence à chercher les moyens de défense. L'enfant va alors grandir avec un esprit de vengeance. Aloïs Batungwanayo explique. Les enfants que j'ai éduqués, je les prépare et par après, je leur donne les moyens de défense. C'est-à-dire, je les ai déjà préparés et à un certain moment, dans la deuxième étape, je vais leur demander de passer à l'étape de l'assaut. Si nous sommes éduqués de cette manière, ce sera facile pour les partis politiques et pour les acteurs politiques de dire « Ok, maintenant c'est le coup d'envoi, commencez à vous défendre. Si vous ne vous défendez pas, vous allez mourir. » Le cycle de violence naît dans le mauvais traitement du passé, naît dans l'injustice. Et lorsque j'ai été victime et que la justice n'a pas été faite, je vais grandir avec cet esprit de vengeance. Parce qu'on m'a déjà dit, je dis bien, on m'a déjà éduqué que l'autre, c'est celui qui m'a fait orphelin. L'autre, c'est celui qui m'a empêché d'étudier. Pour ce commissaire membre de la commission Vérité-Réconciliation, les responsables politiques peuvent aussi mobiliser la jeunesse et l'appeler à la non-violence. J'aime donner l'exemple dans le terrain de football. Il y a un arbitre qui est très vigilant pour que les joueurs ne se donnent pas des crocs en jambes. L'important, c'est quoi? Au terrain de football, on joue la balle, on ne joue pas les hommes. Lorsque quelqu'un a tendance à donner un coup de poing à quelqu'un d'autre, l'arbitre siffle une faute. Et là, au niveau des partis politiques, au lieu de montrer que l'autre parti politique est mauvais, donner aux enfants un projet de société. Donner à la jeunesse un projet de société alléchant, au lieu de leur dire que l'autre parti politique est mauvais. Sinon, lorsqu'il n'y a pas eu de discours de division de groupe, les violences ne peuvent pas naître, car la plupart des fois, les crimes commis entre membres de différents groupes résultent d'une certaine déshumanisation. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.